Vous connaissez déjà le mot « some » qui correspond à une certaine quantité de. Et donc, je voudrais à présent introduire d'autres mots qui permettent d'indiquer une quantité. Michel Thomas expliquait dans ses cours que « combien » se dit « how much », littéralement « combien beaucoup ». Et donc, sachant que « dépenser » se dit « to spend », pour demander « combien d'argent allez-vous dépenser », que direz-vous ? How much money are you going to spend? How much money are you going to spend? Ce à quoi on peut répondre par exemple, je ne vais rien dépenser. Alors ici, je vous donne un petit coup de pouce. Employez anything, que vous connaissez déjà, et veillez à ne pas utiliser de double négation en anglais. Alors, je ne vais rien dépenser. I'm not going to spend anything. I'm not going to spend anything, right. Ou encore, en employant any money, comment direz-vous, je ne vais pas dépenser d'argent? I'm not going to spend any money. I'm not going to spend any money. Et là, not any money correspond à l'opposé de some money. Alors, pour former une phrase négative, vous pouvez employer any avant n'importe quel nom, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Imaginons que vous êtes en train de faire la liste des courses. Vous pouvez, par exemple, faire la remarque suivante. Nous avons de la bière, c'est-à-dire une certaine quantité de bière, mais nous n'avons pas de vin, wine, qui s'écrit W-I-N-E, c'est-à-dire... We have some beer, but we don't have any wine. We have some beer... qui s'écrit B-E-R, but we don't have any wine. OK. Alors, si fromage se dit cheese, C-H-E-S-E, et lait se dit milk, M-I-L-K, hein, pensez aux milkshakes. Alors, comment direz-vous, nous avons du lait, mais nous n'avons pas de fromage? We have some milk, but we don't have any cheese. We have some milk, but we don't have any cheese. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me donner à nouveau la traduction d'une phrase que nous avons vue dans la deuxième partie? Je connais quelques mots en italien, mais pas beaucoup. I know some words in Italian, but not many. I know some words in Italian, but not many. Donc ici, « not many » correspond à « pas beaucoup » quand on fait référence à un nom pluriel. « Many words »,« many languages », mais aussi « many people » puisque « people » est normalement employé avec un sens pluriel. Alors comment direz-vous « je suis allé en Angleterre, mais je n'ai pas pris beaucoup de photos »? I went to England, but I didn't take many photos. I went to England, but I didn't take many photos. Vous vous demanderez sans doute s'il y a une différence entre « many » et « a lot of » qu'on a beaucoup utilisé jusqu'ici, et la réponse est non. Donc, on peut tout aussi bien dire « I didn't take many photos » ou « I didn't take a lot of photos ». Ça revient strictement au même. Seulement, il vous faut aussi connaître le mot « many » que vous rencontrerez et serez amené à utiliser dans la question « how many ?»« Combien ?» Il y a en effet deux manières de dire « combien » en anglais. On a vu un peu plus tôt l'exemple de « combien d'argent allez-vous dépenser ?» qui, encore une fois, se traduisait « How much money are you going to spend ?»« How much money are you going to spend ?» Ce à quoi je peux répondre « pas beaucoup »,« not much ». Donc, dans ce cas, on emploie « much » parce que « money » est un nom singulier. Alors qu'on va devoir employer « many », donc « how many », pour une question si ce dont on parle est un nom pluriel, comme dans l'exemple des mots italiens. Donc, comment direz-vous, combien de mots connaissez-vous en italien ? Réponse, pas beaucoup. How many words do you know in Italian ? Not many. How many words do you know in Italian ? Not many. Ok, alors vous connaissez le mot pour désigner les cheveux, c'est... Hair. Hair, au singulier, c'est ça. Alors, comment direz-vous, il n'a pas beaucoup de cheveux? He doesn't have much hair. He doesn't have much hair. Donc, on emploie much parce que hair est un nom singulier. Si vous vous trompez et dites par erreur, he doesn't have many hairs, attention, vous dites en fait, il n'a pas beaucoup de poils. Mais j'ose espérer que votre erreur fera sourire votre interlocuteur, qui vous corrigera sans doute spontanément. Et voilà une fois de plus votre balle qui est passée avec succès au-dessus du filet et qu'on vous renvoie. Donc si la personne dont vous parlez est à moitié chauve, c'est bien « he doesn't have much hair » qu'il faut dire. Et on avait vu que « pièce » se dit « room ». Alors comment traduirez-vous la phrase suivante ? « Il n'y a pas beaucoup de pièces dans cette maison ». There aren't many rooms in this house. There are not, ou bien sa forme contractée, there aren't, A-R-E-N apostrophe T. Donc, there aren't many rooms in this house. Et je voudrais maintenant introduire un nouveau mot, un mot négatif qui correspond à aucun ou pas. Et ce mot, c'est tout simplement no, le même mot que pour dire non, mais on le place juste avant le nom. Par exemple, comment dira-t-on « je n'ai aucune idée » ? Donc, pas de double négation, le petit mot « no » devant « idée » suffit largement. Alors, « je n'ai aucune idée » ? I have no idea. C'est ça, I have no idea. On peut aussi dire « I haven't any idea ». Donc, dans ce cas, la négation est marquée par « not ». I have not. Et donc, après, on n'emploie pas d'autres négations. Donc, I haven't any idea ou I have no idea. Et en employant la construction avec no, comment direz-vous je n'ai pas d'argent? I have no money. I have no money, en effet. Il y a une citation célèbre d'un poète anglais du XVIIe siècle, John Donne, qui m'a toujours paru très vraie. Aucun homme n'est une île. Sachant que une île se dit an island, ça s'écrit I-S-L-A-N-D, mais on ne prononce pas le S. Alors, quelle sera la citation originale, donc, en anglais? Aucun homme n'est une île. No man is an island. No man is an island, effectivement. Bien, alors jusqu'ici, pas de problème, aucun problème. No problem.